On fait attention, ya ikhwan. Hada, c'est un tambih tayyib de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et la'alla, un jour, on essaiera de le lire complètement. Amal'an, on essaie de finir ou de continuer notre dars. Rappelez-moi si j'oublie, un jour, on finit. Hada al-maqal, il est tayyib et il est mukhtasar.